tester. Remplis j'hypothèse, donc je mets en parenthèse. Si t'essayes de venir me freiner sur mon chemin, j'ai sentiment précis, trop d'amour pour ma tessie. Plus le temps passe, plus je comprends le vice de l'humain. Yeah, je vends la vie en vrai. J'suis dans les rues de ma ville ou à London, pas trop loin du Big Ben. Oh non non non, vivons la vie en vrai. Ah, ah, vivons la vie en vrai. Je sais que tu sais, j'ai raison, mec. J'ai ramené Condé à la maison, mec. De temps en temps, c'est moi qui gère les fins noires. Que mon papier pour me raisonner. Et j'me prends plus la tête pour rien, j'me vois plus trop dans la maison. J'ai donné, mais on m'a pas donné. Combien de fois j'ai volé pour arrondir mes essentiel. J'pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Toutes ces prises de tête n'ont aucun sens. Suffit juste d'échanger, ou bien d'être mis en danger. Suffit juste d'échanger. J'rêvais d'une longue carrière comme criminel. Mais puis sans se faire choper par la brigade anticriminelle. Trop gangsta comme 50 dans mes emails. Trop de mauvais choix qui t'aiment brancher sur un minimal. 2h40, je regarde la lune, fait cogiter. Plein de choses qui me font tilter. Y'a trop de choses qui me font skiser. Qu'on arrive, tu sais. J'peux couper ton bras pour autre, moi. J'aime pas sympathiser. J'ai toujours mon truc dans l'armoire. Les jaloux mérisent qu'on encaisse du pif. 7 sur 7, on est toujours actif. Toujours focus, on laisse aucun indice. Tu sais que j'peux tout donner sans compter. Mais si j'compte sur eux, c'est mort. Tu sais que j'peux tout donner sans compter. Mais si j'compte sur eux, c'est mort. Je sais que tu sais que j'ai raison. J'ai ramené le roi à la maison.